Alors, merci Pascal de toutes ces précisions et de ce point de vue qui n'est pas enthousiasmant, mais bon. Donc maintenant, la parole est à la salle. Oui. J'ai une question un peu sur les circonstances. Qu'est-ce qui a précédé ces décisions de fabriquer une commune entre Bourgogne et Franche-Comté, et surtout, qu'est-ce qui a précédé la décision de faire une association entre Strasbourg et Mulhouse? C'est-à-dire que comment ça s'est passé, tout ça, et un peu un récit, quoi. Oui, alors, je pourrais répondre assurément avec une certaine précision concernant l'association alsacienne. J'aurais plus de difficultés concernant Bourgogne-Franche-Comté. Là, il faudra que vous m'aidiez, certainement. Concernant le projet d'association qui était d'abord un projet de rattachement de l'UHA à l'Université de Strasbourg, il est en quelque sorte le résultat d'un combat contre un projet de fusion. Le président Alain Berets, appuyé par la quasi-totalité des politiques locaux, régionaux, était immédiatement après la première fusion des trois ex-universités de Strasbourg en 1er janvier 2009, très favorable à une fusion avec l'UHA. En 2010-2011, l'UHA passe par une crise de gouvernance. Le CA remet en cause le président. Les élections permettent de résoudre cette crise. Et l'UHA est très affaibli. Et plus l'UHA s'affaiblit, plus les dents de la vorace Unistra se font longue. En 2011, les organisations syndicales de la FSU, SNESUP, SNASUB, SNCS, adoptent une position publique par des communiqués, des tribunes dans la presse régionale, en soutien à l'UHA contre le projet de fusion et en faveur d'un projet d'association, de rattachement solide. Il y a toujours eu, comme partout, comme dans toutes les régions, de l'inter-U, disons, pas seulement de l'inter-U au carré, mais un rattachement solide et durable. Et sous la pression des personnels de l'UHA, avec un appui fort de la présidente, auquel je tire personnellement mon chapeau, je considère que Christine Gangloff est une grande dame, très courageuse, et avec l'appui d'un certain nombre d'organisations syndicales, le projet de fusion a été repoussé. Et c'est ce qui fait l'originalité, le cas vraiment particulier de l'association alsacienne, au départ un projet de rattachement qui, après le vote de la loi, est devenu une convention d'association dans les termes de la loi. L'association a en quelque sorte permis d'éviter la fusion. Ce qui ne veut pas dire que tout risque de fusion soit levé. Mais j'aurais tendance à considérer aujourd'hui que ce risque de fusion s'est quand même bien éloigné et que la convention d'association fonctionne comme un garde-fou, avec les réserves que j'ai soulignées. On est très clairement dans un cas de figure d'une très grande université, 43 000 étudiants, 5 000 personnels, face à une petite université, un peu plus de 7 000 étudiants. Vous voyez la disproportion qu'il y a entre les deux établissements. Cette disproportion faisait rêver au départ un certain nombre de politiques, et en particulier le président de l'Université de Strasbourg, que ça allait être une fusion-absorption très facile. Seulement, l'UHA résistait fortement et s'est rendu compte de tous les problèmes qu'avait généré la fusion de l'Université de Strasbourg. À ce jour, elle n'a toujours pas, cette université a totalement absorbé, je veux dire 5 ans après, les conséquences de sa fusion. Et je pense que ça aurait été une véritable catastrophe que de se lancer dans une nouvelle fusion. Pour répondre, tenter maintenant de répondre à la question de l'historique de l'Université de Bourgogne et Franche-Comté, il y a tout d'abord eu un projet de fusion qui a été combattu, à ma connaissance, en particulier par Jean-Pierre Chevènement, qui était opposé à une fusion entre les deux universités de Bourgogne et de Franche-Comté, alors que les présidents de régions socialistes y poussaient fortement. Et la promulgation de la loi a poussé très très vite et très rapidement les différents établissements à se lancer dans cette commune plutôt que dans un modèle associatif auquel ils semblent n'avoir pas même songé. Je sais que des résistances sont assez fortes du côté de l'Université Franche-Comté, aussi du côté de l'UTBM. On ne peut pas présager des votes qu'il y aura aujourd'hui et demain en CTE. Du côté de l'Université de Bourgogne à Dijon, il semble que les opposants sont minoritaires au CT comme au conseil d'administration. Ça risque de passer. Voilà. Et bien évidemment, ça nourrit l'inquiétude de beaucoup de monde vu l'état de rédaction de ces statuts invraisemblables. D'autres sont invraisemblables, à mon sens, parce qu'ils prennent des libertés absolument incroyables avec la loi, qu'on n'imagine pas que le ministère n'exerce pas son contrôle de légalité sur ces textes-là, en particulier Toulouse. Même le projet P8, P10. Et là, dans ce cas de figure aussi, bien évidemment, le ministère devrait refuser un tel texte, mais j'ai l'intuition qu'il a déjà pris la plume pour rédiger une bonne partie de ce texte. Et que c'est ce vers quoi le modèle des communes devrait tendre dans une option radical de notre ministre. Oui. Oui, non, c'est une chose que je n'ai pas très bien comprise, qui concerne l'irréversibilité de l'entrée. Est-ce que tu pourrais développer cette idée? Est-ce que ça participe de l'ensemble des statuts? Est-ce que ça intervient dans un certain nombre de statuts, mais pas dans tous? C'est dans la loi. Irréversible, et comment est-ce que l'irréversibilité arrive? Elle est inscrite dans la loi. Une fois que les statuts auront été votés, il ne sera possible de les modifier qu'à l'initiative et que par un vote du CA de la commune. Et oui, et par un nouveau décret. Après un avis favorable, hein, il faut le rappeler quand même, du conseil des membres rendu à la majorité qualifiée, hein, rendu à la majorité des deux tiers pour être très exact. Oui. Alors, justement, une question juriste, parce que je ne suis pas du tout juriste. Comme ce comité des membres n'a qu'un pouvoir consultatif, est-ce qu'on peut imaginer que le conseil d'administration passe outre cet avis à la majorité des deux tiers? Non. Oui, c'est un avis favorable. Ouais. C'est un avis, il faut un avis favorable. Hein. Ouais. C'est pas un simple avis, il faut qu'il soit favorable. Aux deux tiers. Oui. Ouais. Et s'il n'y a pas cet avis favorable aux deux tiers, ça ne passe même pas au CA. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Non. C'est... Il faut un avis favorable pour que les statuts puissent être modifiés. Oui. Mais c'est un avis favorable à une majorité qualifiée. Ce n'est pas l'avis de chaque conseil d'administration, de chaque université. Oui, oui, bien sûr, on parle... Ouais, c'est l'avis, l'avis favorable du conseil des membres. Du conseil des membres. Quelle indépendance exactement ont les personnes, si j'ai bien compris, c'est les présidents qui siègent dans les directeurs de tous les établissements. Est-ce qu'ils ont plus ou moins une certaine indépendance, c'est-à-dire que, qu'ils peuvent porter plus ou moins le projet qui les intéresse sans trop consulter leur CA, ou est-ce que systématiquement, par exemple, pour une décision d'un transfert de compétences à la COMUE, chaque président devrait consulter son CA avant de donner sa position au Conseil des membres. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, mais ils ne sont pas décisionnaires, mais ils ont un pouvoir d'orientation qui est certain. Je dire, ils font des propositions, ils définissent des orientations. Il faut que celles-ci, bien évidemment, pour qu'elles soient appliquées, il faut qu'elles passent par le conseil d'administration. Tu parlais de dispositifs dans les statuts qui sont en marge de la loi, en passant à Toulouse. Est-ce que tu peux être plus précis? Tu peux dire Toulouse et P8, P10 avec des... Oui, j'étais intervenu dans des listes de discussion. Je l'ai plus nécessairement à l'esprit. Peut-être quelqu'un qui a participé à ces listes en souviendra mieux que moi. Mais il me semble que une série de dérogations, en quelque sorte, à la loi a été prise par ces statuts. En particulier, sur quel point? Qui est-ce qui s'en souvient? Je retrouve mes mails. Je n'ai plus en tête, là. Je vous répondrai par des bêtises, mais... Je ne suis pas sûre qu'on ait donné des précisions sur les dérogations ce matin. On peut peut-être prendre une ou deux autres questions. Pendant ce temps, je fais ma petite recherche. Oui. Je voudrais juste commenter sur la question précédente. Je pense que la question de l'irréversibilité théorique ne se pose pas vraiment. C'est l'irréversibilité pratique qui compte. C'est-à-dire que dans tous les endroits où, dès le début, il y aura des écoles doctorales communes ou un collège doctoral, comment voulez-vous, même encore que la possibilité théorique soit inscrite au forceps dans les statuts, revenir en arrière, alors que déjà en ce moment dans lequel le jeu est théoriquement ouvert, puisque ces nouveaux établissements n'existent pas, il existe des presses qui portent transitoirement le statut de commu, eh bien en ce moment, il est rigoureusement impossible pratiquement de changer les contours des regroupements. Une fois que ça sera fait, ça me semble complètement impensable qu'il puisse y avoir une possibilité de retour en arrière pragmatique, si tant est qu'elle y soit. Le point théorique, maintenant ça, le point théorique qui me semble n'a pas de sens, mais enfin, disons-le quand même, c'est précisément que implicitement, le fait d'entrer dans la commu signifie qu'on perd sa souveraineté en tant qu'établissement. Donc on peut le perdre de manière pratique si on met en commun des choses. Mais le fait d'entrer dedans suppose qu'on donne les prérogatives à la commu de s'auto-transférer des compétences et de ce fait qu'on a abdiqué une partie de ce qui faisait l'établissement avant. Enfin, l'argument pragmatique me semble meilleur que l'argument théorique. Sur le plan vraiment pragmatique, quand il y a une association, est-ce que la convention prévoit un cadre temporel et une clause de sortie? C'est-à-dire, quelque part, est-ce qu'il y a un exemple? Oui, là-dessus, il me semble que, pour le coup, le tout est fait pour, puisqu'il n'y a pas dans l'idée où l'association est utilisée pour faire une confédération, eh bien, chaque établissement gardant l'ensemble de ses prérogatives, il devient beaucoup plus souple de l'étendre à des nouveaux établissements ou de se rétracter, sachant à nouveau qu'aller vers plus d'intégration sera facile, aller vers moins d'intégration ira contre l'idée de la loi. Donc à nouveau, le sens pragmatique dit que ça sera possible d'étendre vers des nouvelles collaborations. Par contre, se rétracter semble guère possible, disons, dans un avenir proche. Je retrouvais quelques exemples concernant la commune Paris 8, Paris 10. Dans ce projet, selon le document que j'ai sous les yeux, ce projet n'inclut aucun transfert de compétences. Tout transfert éventuel ne pourra se faire tant que le CA des membres, donc chacune des deux universités, n'aura pas adopté ce transfert dans les mêmes termes, et toute modification statutaire entraînera une republication des statuts par décret. Il n'y a donc aucun glissement progressif vers les logiques fusionnelles qui pourraient être engagées subrepticement. Un projet qui n'inclut aucun transfert de compétences me laisse profondément sceptique. La loi a été conçue pour qu'il y ait absolument des transferts de compétences. Et une fois que le CA sera constitué, je suis certain qu'il y aura transfert de compétences. Ils sont en train de se faire avoir. Apparemment, dans ces statuts, l'appartenance à la commu serait réversible. Le retrait de celle-ci étant codifié. Là aussi, je suis sceptique. Certains rêvent de transformer, en prenant beaucoup de liberté dans la phase de rédaction, prenant beaucoup de liberté avec la loi, rêve de transformer le cadre législatif pour les communes, qui est quand même très contraignant, en sorte d'association. C'est-à-dire, mais la loi, c'est la loi, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec, avec les textes. Donc, il me semble qu'il y a une sorte de rêve qui circule là, en ce moment, dans certaines universités, qui consiste à croire que on peut faire ce qu'on veut avec les communes, proposons le projet qui nous convient. Et certains projets commencent à ressembler à des formes d'association. Oui, mais il y a le texte, il y a la loi. Et je pense qu'à un moment donné, le ministère va prendre la plume. Hein. C'est des versions zéro qui remontent. Alors, dans certains cas, il semble qu'il y ait des versions zéro qui soient coécrites par le ministère. C'est vraisemblablement le cas pour la commune Bourgogne-Franche-Comté. Dans d'autres, il y a un travail de rédaction locale en essayant d'imaginer les formes les plus démocratiques possibles. Oui, mais un rêve de démocratie ne fera pas réécrire la loi. Alors, c'est là, j'ai de grandes craintes sur ce point. Les communes version association, enfin, en apparence, c'est ce dont Jean-Louis Fournel nous a parlé ce matin avec l'intitulé L'illusion de la commune light. Et l'histoire de la... avant au sujet des communes minimalistes, c'est aussi ce dont nous a parlé Olivier Beau. D'accord. Disant qu'en fait, il était tout à fait possible de limiter les compétences transférées aux compétences légales, oui. Aux compétences prévues par la loi. Et donc, c'est tout ce qui a trait au logement étudiant, étudiante, et de s'en tenir là. Et donc, tu vois, c'est aussi une manière d'essayer de fonctionner en association, c'est-à-dire en ayant vraiment le minimum possible en commun. Tout ceci ne fera jamais disparaître l'existence d'un CA qui surplombe la totalité des membres. Tout ceci n'aura jamais valeur au terme juridique du terme d'association. Ça restera une commune. Et une commune dont les pouvoirs du Conseil des membres et du Conseil d'administration, avec des qualités de représentativité particulièrement problématiques, sont, de mon point de vue, davantage une promesse d'enfer qu'une promesse de bonheur. Les risques sont considérables. C'est-à-dire la forme commune en elle-même, et je considère que c'est une forme qui est très verrouillée, et qui a des potentialité de conduire à des éléments préfusionnels ou fusionnels qui sont majeurs. Il y a rien qui protège dans une commune, alors que le modèle associatif est un modèle qui peut contenir des éléments protecteurs. Si l'on accepte ce danger qui pèse sur toutes les régions, toutes les formes de regroupement, qui est le levier du contrat de site, qui a un levier considérable. Une question qu'on me pose parfois, mais alors la fusion tout de suite ne serait-elle pas préférable à la commune ? C'est encore pire. Je crois que la fusion de grands établissements, tels que c'est en projet pour quelques grandes universités parisiennes ou d'autres, on l'a vu avec la toute première expérience de fusion à l'université de Strasbourg. Je le disais tout à l'heure, 5 ans après, on n'a toujours pas absorbé. Aujourd'hui, je passe 30 heures par semaine en tant que représentant du personnel au CHSCT et en tant que militant syndical en train de défendre des personnels en situation de grande souffrance ou de harcèlement. Je me rends compte que tous ces enseignants-chercheurs qui se manifestent aujourd'hui, qui sont dans des situations très critiques, ont commencé à souffrir au début de la fusion. C'est-à-dire leur malaise, leur souffrance, leur situation de subir des pressions morales ou, dans certains cas, des situations de présomption de harcèlement, dans parfois des harcèlements avérés. Hein. Tout ça, ça remonte à la fusion. C'est pas la fusion qui est totalement responsable de ça, Il y a le new management public, il y a les restrictions budgétaires, il y a le passage au RCE, etc. Mais la fusion avec la création de services centraux, la difficulté à créer une nouvelle identité. Aujourd'hui, il y a encore des personnels à l'université de Strasbourg qui gardent la nostalgie des ex-universités et qui ne se sentent pas appartenir à cette nouvelle entité Unistra. Donc une fusion, c'est s'engager dans un processus lourd duquel on ne peut pas se remettre ou en sortir avant au moins une bonne dizaine d'années. Ce qui ne veut pas dire qu'il fallait pas faire cette fusion des trois ex-universités strasbourgeoises. C'était un projet, là aussi, encore original et qui remontait au début des années 90. Rien à voir avec la politique de fusionnite aiguë qui est celle mise en vigueur par le gouvernement actuel et les précédents gouvernements. Et là, c'est de la marche forcée aux fusions, de la marche forcée aux regroupements, alors qu'à Strasbourg, ça procédait d'une démarche délibérée, réfléchie, construite. On sait aujourd'hui à peu près pourquoi ça s'est mal passé, parce qu'ils ont fait la connerie de faire appel à Deloitte, un cabinet qui nous a coûté 580 000 euros et qui a très très mal travaillé pour la création des services centraux. On est allé trop vite. Ça a coûté, une fusion, ça a un coût considérable, 20 millions d'euros minimum pour l'université de Strasbourg qu'on n'a toujours pas absorbé. La fusion, c'est l'une des causes principales de la fonte de notre fonds de roulement qui est passé de 85 millions à 30 millions en 3 ans. Quoi. Donc non, pas de fusion. Il faut se battre autant contre les fusions que contre les communes ou les mauvais projets d'association, parce qu'il peut y avoir aussi de mauvais projets d'association. En tout cas, l'association n'est peut-être pas une solution, à mon sens, recommandable lorsque les établissements sont de taille très, très différente. Mais imaginez une association entre Paris 8 et Paris 10, une association entre Créteil et Marne-la-Vallée, oui, tout ça, ça aurait la cohérence. Et surtout, moi, je crois, plus on est dans le cas de figure d'un système confédéral multi-associatif, hein, c'est-à-dire où il y a plus de 2 membres, 4 ou 6, 10 membres, plus c'est intéressant à mettre en œuvre. On est là sur des modèles partagés qui préservent l'autonomie des établissements. On sait ce qu'on met en commun et on rédige ensemble des conventions. C'est ça qui est intéressant l'association, c'est la liberté qu'on a de mettre ce qu'on veut à l'intérieur de la convention d'association. Mais il ne faut pas qu'il y ait un loup dans la bergerie, quoi. Sinon, c'est risqué.